Vendredi 19 mai, bienvenue à l'émission Les Différents. Mélanie Fleurant avec vous jusqu'à la prochaine heure. Jusqu'à 10 heures en fait, pour la prochaine heure. Je vais le dire en français à un moment donné. Aujourd'hui, on parle, vous savez, hein, Les Différents, c'est quoi? C'est des sujets tabous, des préjugés. J'essaie d'en parler le plus possible avec les gens. Comment je peux dire? Avec les gens qui le vivent, avec les gens qui sont différents. Puis au bout de la ligne, bien souvent, on se rend compte qu'au bout de la ligne, ben on est pas mal toutes pareilles. Puis nos préjugés, c'est souvent bien des peurs. Et puis c'est pas nécessairement justifié. Donc aujourd'hui, on parle de prostitution. C'est le sujet aujourd'hui. Puis c'est un gros sujet qui a bien des préjugés autour de ça. Et pour nous en parler, je reçois Maude Santerre, que vous avez déjà entendu dernièrement à l'émission du Projet Lune. Bonjour Maude! Bonjour! Ce matin, tu viens nous parler. La dernière fois que tu es venue nous parler, tu nous parlais en fait de l'itinérance. Oui, exactement. On avait parlé un peu plus des services de l'hébergement, mais aujourd'hui, j'accompagne les pères puis des intervenantes par aidante aussi. Fait qu'on va vraiment rentrer dans notre sujet principal, là, qui est vraiment le travail du sexe. Hein. Puis, t'es pas toute seule, on l'a dit. T'as des pères aidants et aidantes. Puis, tu as avec toi Christine, Jennifer et Dantelle. Bonjour à vous trois. Allô. Pour commencer, Maude, pour remettre en contexte, le Projet Lune, qu'est-ce que c'est? Bien, le Projet Lune, c'est un groupe de pères, donc de personnes qui font ou qui ont fait le travail du sexe, qui s'identifient comme des femmes, des personnes trans, des personnes queer, qui se mobilisent ensemble, on se rencontre, puis on tente là, d'améliorer la qualité de vie puis la qualité de travail des personnes qui sont dans l'industrie du sexe dans la région de Québec. Donc, vous êtes vraiment situé là, à Québec pour les gens de Québec. Puis aussi, j'aimerais ça qu'on commence vraiment parce que je veux laisser la parole à tes accompagnateurs. J'aimerais ça qu'on commence par parler comment est-ce qu'on tombe dans la prostitution. C'est-tu un choix? C'est-tu les raisons? Je tombe direct dans le sujet parce qu'on a une heure, puis l'heure, je veux la passer vraiment à vous donner la parole, puis qu'on puisse en parler. Puis vous êtes là pour ça en plus. Moi, pour ma part, ça a été un choix par un non-choix. Je veux dire par là que j'ai commencé, je voulais pas assumer mes responsabilités en tant que femme. Donc, ça a été une sorte de fuite. Puis, j'ai commencé dès que j'ai pu, à l'âge de 18 ans, dans le milieu des bars, dans la danse, dans le massage. Et l'aventure totale de la rue m'interpellait beaucoup, puisque justement, je voulais l'aventure. OK. Je voulais vraiment vivre, pas de responsabilité, comme je le disais plus tôt. J'ai même laissé mon logement de plein gré pour faire un trip comme dans les années 60, peut-être trip hippie à l'aventure totale, puis me suis ramassée dans un non-choix par la suite. Oui, c'est devenu dans vraiment par la force des choses. Un cercle vicieux, ouais. C'est souvent le cas, je pense. Ouais. Je te laisse aller, continue. Il y a aussi, moi, je suis née d'une fille mère. Mm-hmm. Donc, très jeune, j'étais à la quête de mon père, dans des relations malsaines, toujours avec des hommes plus matures. Mm-hmm. Donc, c'est sûr qu'à une certaine époque, c'était des garçons plus vieux que moi. Mm-hmm. Et ça a été de fil en aiguille, ça m'a suivi. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, je m'en rendais plus ou moins compte que c'était ça. C'était avec un travail sur moi que j'ai compris un jour que c'était plus ça que je recherchais, même si je disais m'amuser. Ouais. C'était un grand besoin là, de d'autorité parentale, là, de l'amour. Puis, tant qu'on s'occupait de moi, je me sentais aimée. Puis, c'était peut-être pas de la bonne façon, mais pour moi, à ce moment-là, ça faisait mon affaire. Oui, c'était d'avoir de l'attention, ouais. C'était d'avoir un regard sur soi. Ça, mm-hmm. Ça se peut que ce soit ça, je sais pas si... C'était carrément ça. C'était carrément ça, ouais. Hein? ça me valorisait énormément. Puis surtout quand t'es choisie parmi tant d'autres filles, là, c'est comme la petite claque dans le dos, là. Ah ouais, ben le c'est comme wow, tu sais, on sent spécial, on sent, ouais, on sent différente pour les bonnes raisons, tu sais. Mais ça m'a vite rattrapé, là, de fil en aiguille, j'ai fait ça quand même un bon quasiment 20 ans là, dans toutes les sphères, là, dans les bars, les massages, la rue, les agences. Fait que de fil en aiguille, c'est tout du pareil au même, la clientèle c'est pas vraiment de l'amour. Ils font à croire que c'est de l'amour, là. Mais, ah ouais? C'est pas tant souvent. Ça. OK. Ouais. Puis, Christine, toi, dans ton cas, ça. C'est un choix. Juste te rapprocher du micro, s'il te plaît. Parce qu'on t'entendra pas. Un choix de carrière. Un choix de vie. OK. J'ai décidé de faire ce travail-là. Au départ, parce que. Moi, je suis une fille qui a toujours voulu donner. Qui donne de l'attention, de l'amour, tout ce que tu voudras, je suis de même. Je savais que c'était un besoin chez les gens. Quand je dis les gens, je parle de filles comme de gars. OK. Puis pour moi, c'est un besoin naturel. Puis je t'ai payé pour le faire. Puis c'est ma vie, ça fait 30 ans que je fais ça. Puis je peux pas dire que je suis heureuse à 100%, comme je pourrais pas être heureuse à 100% dans n'importe quel autre job. Fait que c'est ça. Fait que dans ton cas, c'est vraiment un choix. C'est du 100% un choix. Oui, ça, c'est 100% un choix. Puis je suis travailleuse autonome dans ce secteur-là. Okay. Je me déclare travailleuse autonome escorte. OK. Ce qu'on peut faire. Parce que les gens ne savent pas. C'est légal, ça? C'est ça. C'est ça, oui. J'ai travaillé dans des agences. J'ai travaillé dans des salons, mais ça finissait toujours par me tanner. Parce que c'est pas moi qui décidais qui était le client, où j'allais, etc. Ce qui a fini par me faire choisir le métier de travailler seul chez nous, à me déplacer, à faire mes affaires tout seul, en tant que travailleuse autonome. Oui, bien ça, on va en parler un petit peu plus tard, justement, les personnes derrière ça. On sait que ce n'est pas toutes des travailleuses autonomes, là, puis des travailleurs autonomes, dans ce cas-là. Mais les gens ne savent pas non plus qu'ils peuvent le faire. OK. Tu sais, tu peux t'engager un chauffeur pour si tu n'as pas d'auto. Puis répondre toi-même à tes téléphones, puis choisir toi-même quel client tu vas aller faire, puis quel client tu n'iras pas faire. Okay. Ça, pour moi, c'est hyper important. C'est le respect de soi-même dans ce métier-là. Pour moi, c'est la priorité, puis c'est primordial. Oui. Puis, dans ton cas, Dantel, toi, dans ton cas, toi, c'est comment ça a commencé? Moi, c'était par choix aussi. Okay. Mais même là, moi, je vais te dire. Tu sais, moi, mon grand parcours de vie, moi, j'ai eu trois femmes avant, puis j'ai eu trois enfants. OK. Puis là, après la troisième femme, là, puis après avoir perdu la troisième femme et le troisième enfant, là, j'ai décidé d'essayer complètement d'autres choses. Tu sais, j'ai arrêté d'être un gars, puis je me suis transformé en femme. Puis, mais tu sais, moi, je sortais d'un bar, je partais avec du monde. Tu sais, j'ai jamais fait ça sur un coin de rue. Tu sais, mais tu sais, moi, je considérais même pas que je me prostituais, dans le fond. Pour moi, j'étais libéré sexuellement, puis, tu sais, j'avais venu de passer 35 ans, là, que ça marchait pas. Fait que là, j'étais libéré, je m'amusais, je sortais d'un bar, je partais avec le monde. Puis, à la fin de la soirée, je me faisais payer, mais tant mieux, c'était. OK. C'était de quoi de plus, là. OK. Fait que c'est comme ça, dans le fond, que tu as commencé. Ouais, c'est comme ça que j'ai commencé. Jamais été mal à l'aise avec ça. Comme elle disait, c'est ça. Moi, je choisissais avec qui je partais, là, tu sais. Puis c'était le fun en crise, là, quand j'étais dans un bar, puis que c'était moi que le client venait chercher, tu sais. C'était moi la plus belle. Ah, un peu comme Christine, elle disait, ouais. C'est ça, tu sais. C'est que t'apprécies ça, tu sais. Ouais. C'est ça. C'est quoi, au Projet Lune, monde que tu vois le plus? T'es sur le terrain, toi. Tu rencontres ceux qui sont travailleuses du sexe, ceux qui l'ont été. Qu'est-ce que tu te rends compte de plus? Le plus commun dans les histoires, c'est quoi? C'est un choix? C'est par la bande, à un moment donné, comme Christine elle disait, on a besoin d'attention, on manque d'une espèce d'amour, d'attention de notre famille, nos parents, tout ça. Qu'est-ce que tu vois le plus? Ben, ce que je vois, moi, c'est vraiment la nuance puis la variété des parcours des personnes que je rencontre, tu sais. Oui, il y a des points qui se ressemblent dans les parcours de vie, là, des travailleurs du sexe avec qui je travaille, mais il y a aussi beaucoup de différences, puis c'est une grande industrie, tu sais, travailler dans la rue, travailler comme travailleuse autonome de la maison, travailler dans des bars, ben il y a du monde qui trouve des avantages puis des inconvénients dans tous ces contextes-là de travail. Mm-hmm. Des points qui sont clairs pour moi, qui sont des enjeux importants, mais tu sais, c'est les conséquences judiciaires associées au fait de faire le travail du sexe. Ouais. Tu sais, la loi fédérale, là, le projet de loi C-36... ont enlevé la possibilité des travailleurs du sexe de donner leur consentement. On reconnaît qu'ils sont toujours des victimes, qu'ils peuvent jamais être consentantes. Peux-tu nous expliquer, c'est ça, pour les gens, là, les auditeurs, qui comprennent c'est quoi le C-36? On parle souvent du modèle nordique. Hein, c'est vraiment, on criminalise les clients principalement pour enlever un peu, justement, là, ces conséquences-là judiciaires qui ont été beaucoup dénoncées par les travailleurs du sexe dans les dernières années, mm-hmm. au Canada. Fait que le projet de loi a été mis en place pour criminaliser toutes les personnes qui sont dans l'industrie, qui sont pas les personnes qui vendent leurs services pour elles-mêmes. Okay. Malheureusement, on le sait, si les clients sont criminalisés, si la personne qui gère ton agence est criminalisée, ben ça a des conséquences sur ton travail, ça mm-hmm. a des conséquences aussi, puis là, les pères pourront en parler aussi, mais les clients sont plus nerveux, c'est eux autres qui prennent, ils disent qu'ils prennent plus de chance, dans la rue, le temps de négociation qui est super important, la minute ou deux que tu as pour jaser avec les clients, pour faire ton entente, pour parler de tes tarifs. Ben là, tu l'as plus parce que là, let's go, là, il faut pas rester sur le bord du chemin. Fait que là, ce moment-là, cette minute-là qui était super importante pour les pères, mais elle devient de moins en moins accessible. Ils travaillent, tu sais, on le sait, là, il y a 30 ans, tu sais, au centre-ville, il y avait des rues qui étaient comme l'âge d'or du travail du sexe, des fois, quand on en parle. Mais maintenant, pour certaines personnes dans le quartier Saint-Roch, admettons, c'est peut-être bien là, qu'il y ait moins de monde qui travaille tous sur les mêmes coins de rue, mais en même temps, ça permettait aux filles de se voir entre elles, de voir dans quelle auto ils partaient, de se compter aussi. Moi, je suis partie avec ce gars-là dans cette auto-là. Il y a un côté sécuritaire. Il y avait vraiment une sécurité. Puis là, les femmes sont plus isolées. Christine en parlait, tu sais, travailler de chez soi, travailler sur Internet. Mm-hmm. Bien, c'est des lieux où on se rencontre moins. Tu sais, quand on est dans une agence assis ou tu sais comme escorte, puis on est assis dans une van puis qu'on se rencontre, mais ça permet quand même de se parler. Ça permet aussi aux intervenants de les rejoindre. Tu sais, maintenant, faut changer mm-hmm. nos façons d'essayer de les rejoindre. Puis faut travailler aussi sur Internet un peu plus pour essayer d'être capable de trouver les femmes. Mais il y a beaucoup d'isolement, tu sais, pour les personnes qui font le travail du sexe, encore plus à cause de ce genre de projet de loi-là. Tu sais. Puis on le sait, tu sais, ça a quand même des conséquences. Puis il y a quand même d'autres lois qui sont utilisées, tu sais, pour faire de la répression envers les travailleurs du sexe, là, tu sais, dans les quartiers, admettons, là, on le sait, là, ce qui est plus visible, c'est le travail du sexe de rue, tu sais, ce qui est souvent jugé plus dérangeant, mais tu sais, il va y avoir quand même d'autres offenses, là, tu sais, errer en public, traverser en diagonale, etc. Puis tu peux quand même pas arrêter un auto, ça reste quand même contre le code de la route. Je vais lancer une question à large. Oui, vas-y. Puis je vais la poser, j'aimerais ça qu'un député, un ministre, quelqu'un qui vienne me répondre. Le pourquoi du comment toujours nous empêcher de travailler adéquatement, sécuritairement, je comprends pas. Moi, ça me dépasse. Cette loi-là empêche les clients de venir nous voir librement. On est des adultes, on sait ce qu'on fait, on le fait sans, on n'est pas attaché là. Mm-hmm. C'est nous autres qui décident. Mais il y a des clients aussi là. C'est ça aussi qu'il faut pas oublier. Faut pas oublier on garoche la pièce souvent, mais il y a des clients qui achètent le service là. Ben voilà. Ben oui. Puis c'est un besoin. C'est ça qui est scandalisant. Vous me ferez pas craindre qu'il n'y a pas de clients. Hein? Ben, il n'y en aurait pas de prostitution, ben, sinon. Ouais, mais tu sais, c'est impossible qu'il n'y ait pas de prostitution, là, je veux dire. Non, mais c'est un besoin, c'est le un sexe. Besoin comme naturel. Manger, c'est comme pisser, comme. Je sais pas, là. C'est un besoin. Quand tu es tout seul depuis 10 ans, à un moment donné, je m'excuse, là, mais regarde, t'aimes bien ça aller voir quelqu'un pour en avoir du cul. On s'entend-tu là-dessus? Mm-hmm. Ben, c'est ça. T'es prêt à payer, tu fais ton appel, tu vas voir qui tu veux, tu payes qui tu veux. Mm-hmm. Ben, pourquoi pas le faire adéquatement, sécuritairement, puis. Qui nous foutent dans la paix, là, sacrement. Tu sais, on est adultes, on sait ce qu'on fait, puis, tu sais, je veux dire, la prostitution, c'est légal. Pourquoi empêcher les clients de venir nous voir en mettant des bâtons puis des lois, là, qui ont pas de bon sens, là? C'est à un moment donné, là, on tente qu'en 2017, là, mm-hmm. je pense, serait temps, là, que le monde se réveille. S'il y en a qui sont contre la prostitution, ben, qu'ils restent puis qu'ils nous foutent la paix. Bon, il y en a qui sont contre, mais qu'ils restent s'ils veulent le rester. Mais qui ne nous disent pas que nous autres, on est des délabrés, on est des tu sais, regarde, là, c'est pas vrai, là, j'ai une tête sur les épaules, je suis capable de m'en servir. Ce qui c'est moi qui décide de mon corps, puis où je le mets, puis à qui je le loue, that's it. Mm-hmm. Ce qui est délicat souvent, c'est qu'on utilise justement ce besoin-là de sécurité des femmes pour appliquer des lois, mais finalement qui ont des conséquences directes sur la sécurité et la santé des femmes. On le sait, dans les pays où c'est décriminalisé, ben, les femmes ont plus accès à des soins de santé, ils peuvent se faire dépister. Il y a moins de préjugés dans les services de santé aussi. Quand tu vas parler à des professionnels, ben, il y a des personnes qui font le travail du sexe qui font le choix de ne pas parler de leur travail parce qu'ils savent qu'ils vont avoir un moins bon service au bout de la ligne. T'sais. Le fait que si c'était décriminaliser, mais ça permettrait de faire encore plus de sensibilisation auprès ouvrirait, de ces personnes-là. Oui, ça ouvrirait des portes à un moment donné de votre côté. On va prendre une pause puis on va continuer justement sur le sujet. On est de retour. On jase en studio. On oublie que la musique était finie. Ben c'est ça les différents. Qu'est-ce que vous voulez? On est en direct, ça arrive, des lives de même. On entend la chanson finir. Ah! Faut rentrer en studio. Nantel. Oui. Tu voulais, avec Maude aussi, vous vouliez vraiment ramener le sujet, clarifier la loi C-36, puis vous trouviez là, vraiment là, qu'il fallait encore plus en parler, mais je vous laisse la parole. C'est quoi exactement pour clarifier? Ça protège les filles à ce qui paraîtrait, mais dans le fond, ça criminalise le client. Je vous laisse continuer là-dessus. Ouais, moi, je trouve ça pas mal spécial, là. La manière qu'ils ont transformé la loi pour pénaliser le client, je trouve ça hypocrite, la manière qu'ils ont fait ça. C'est comme s'ils voulaient gérer les travailleuses du sexe puis tout, mais là, ils n'osaient pas toucher aux femmes. Ils n'osaient pas toucher aux femmes. Fait que là, ils ont viré ça de bord. Là, ils ont mis ça sur le client pour mettre des bâtons dans les roues d'un bord comme de l'autre. Oui. Fait que, en tout cas, mais je trouve ça très hypocrite. Je trouve que ça a mal été fait. La loi, c'est comme si c'est le client qui est... Juste à rapprocher, Christine. Pénalisé. C'est le client qui est pénalisé. Oui. Parce que lui passe pour quelqu'un qui sollicite la fille. C'est ça que la loi dit. Fait que si tu sollicites, tu as le droit d'avoir une étiquette, puis tu as le droit d'être pénalisé. Fait que, tu sais, on s'en va où avec ça? Mm-hmm. Si le client, il peut pas accoster la fille sur la rue. S'il peut pas y parler. Fait que là, ils ont peur, les clients, d'approcher la fille. Puis là, la fille, elle a peur de prendre la minute ou deux pour jaser avec, parce que le client va se faire pogner. Fait que là, c'est quoi, là? Mais des fois aussi, ce temps-là de jaser, ça permet de savoir, on va être en sécurité ou pas. Tout à fait. Le montant, où est-ce qu'on s'en va, son numéro de licence. C'est des moments qui sont vraiment à clé dans la sécurité. C'est ça, ça te permet d'observer aussi, d'observer l'auto. Admettons que tu travailles dans la rue, là, ben, qu'est-ce qu'il y a dans l'auto? Y a-tu quelqu'un d'autre dans l'auto sur la banquette arrière? Y a-tu du stock sur le dash? Je vais-tu me sentir en sécurité? Je le connais-tu, ce client-là? Ouais. Tu sais, c'est tous des moments qui sont super importants. Tu sais, faut comprendre aussi qu'au-delà du client, qui peut être montré criminellement responsable, ben, il y a aussi toutes les personnes dans l'industrie, là. Ce qu'on dit, la tierce personne, là, qu'on représente souvent comme une espèce de pimp, là, ben, c'est aussi ton chauffeur qui peut être une personne super importante pour ta sécurité, tu sais. Qui est ton protecteur, qui est la personne qui sait t'es où, qui sait ça fait combien de temps que t'es avec ton client, qui te connaît, qui a peut-être dans son char des condoms, du lubrifiant, qui peut t'écouter aussi si finalement c'était pas si le fun que ça, ben, ça peut être une bonne oreille aussi. C'est aussi ta téléphoniste que, tu sais, c'est pas parce que t'es travailleuse du sexe que la publicité dans la vie, c'est ta force, puis t'as peut-être envie d'avoir quelqu'un qui fait tes communications, tu sais, puis qui jase, puis ça, c'est important aussi, ce moment-là au téléphone, si t'es escorte, de dire réalistement, bon, ben, la personne a fait tel service, elle a l'air de ça, pour que le client fasse un choix éclairé, parce que quand la personne se déplace, puis que finalement, c'est pas la personne qu'elle attendait, ben, des fois, ça peut faire monter la tension, les gens peuvent être un peu plus nerveux. Fait que, tu sais, tous ces alliés-là qui sont là dans l'industrie, qui sont souvent vu comme une seule personne qui serait un pimp et qui forcerait les gens à faire le travail du sexe, mais c'est aussi toutes sortes de personnes qui sont là pour assurer la sécurité des femmes, tu sais. Puis si c'était pas le crime organisé qui était en charge de ces industries-là, mais tu sais, ça permettrait à des groupes, tu sais, comme le projet Lune, admettons, mais des fois on en rêve là d'avoir une coopérative de travailleuses où on déciderait ensemble de nos conditions de travail, puis où on en a une liste de mauvais clients, fait qu'on pourrait dire, ben, chez nous, les clients qui ont pas des comportements qui sont acceptables, qui respectent pas les consentements des filles, qui payent pas adéquatement. Non, on y va pas. Exactement. On les dénonce. Exactement. Puis on les dénonce collectivement pour que ça ait un poids. Parce que, comme les. Là, je chante un peu du coq à l'âne, mais aussi comme les travailleuses du sexe, on reconnaît jamais qu'ils donnent leur consentement, ben si à un moment donné ça t'arrive de vivre une agression à caractère sexuel ou qu'il y a un client qui soit pas, qui a des comportements qui sont pas acceptables, t'arrives pour dénoncer. On sait que c'est déjà vraiment pas facile de dénoncer ce genre de comportement-là, mais en plus la loi reconnaît jamais que ton consentement. Mm-hmm. Fait qu'est-ce qui fait que cette fois-ci c'était plus une agression qu'une autre? Fait qu'on le sait qu'est-ce que les femmes vivent. Ils restent isolés, ils vivent beaucoup de stress, ils vivent des conséquences. Ça a des conséquences graves, vivre des agressions à caractère sexuel. Là, on le sait, là, que ce soit une travailleuse du sexe ou non. Fait que, ça, c'est vraiment une limite de plus là, pour pouvoir dénoncer. Là. C'est de reconnaître, dans le fond, l'humain qui fait le travail. Là. Parce que c'est un travail, mais ça ne veut pas dire... Ah. Bon, excuse-moi, Christine. Vas-y, ben, go. Tu me ramènes le fait... j'ai regardé justement le documentaire Le commerce du sexe. Je ne sais pas si vous l'avez vu. On peut le trouver sur Télé-Québec, le site de Télé-Québec d'un documentaire. Puis, c'est vraiment... Là, ils sont descendus dans la rue, puis ils ont été aussi parlés à d'anciennes escortes, des filles qui ont été masseuses, tout ça qui ont été là-dedans. Puis, ils se disent souvent, je ne sais pas si c'est ce que vous avez remarqué, aussitôt que le client se dit, ben j'ai payé, mais j'ai le droit de tout faire, dans le fond, il n'y a pas de viol là-dedans, j'ai payé. Et non, mon cher. J'aimerais ça vous entendre là-dessus, je fais ça, on dirait... je ne fais pas ça. Mais le client dirait qu'il lave les mains pour dire, ben regarde, j'ai payé, j'ai le droit de faire ce que je veux. Puis ça, c'est une façon aussi que le monde ont, c'est un préjugé que le monde ont par rapport à ce travail-là. Ça arrive souvent aussi la clientèle vont cibler les femmes plus renfermées, plus vulnérables. Plus vulnérables, justement. Ouais. Fait que ce côté-là, le client a une part de responsabilité aussi de profiter de la naïveté de la fille. Mm-hmm. Puis ça fait que les filles perdent beaucoup d'estime d'elles-mêmes, puis de confiance en elles. C'est ce genre de client-là qu'il faut dénoncer. C'est ça. Quand que le client te respecte pas dans ce que tu as dit, moi je fais ça, puis ça c'est non. Puis qu'il veut que tu le fasses quand même, puis qu'il t'oblige à le faire quand même. Mais je m'excuse, c'est un client qu'il faut dénoncer. Mm-hmm. Puis mais il y a aussi la part de responsabilité de la femme aussi, que en commençant, si elle est capable de mettre ses limites, ça va faire toute une différence dans sa vie de tous les jours. Puis c'est sûr que aussi on se le cachera pas, là, il y a la consommation qui rentre en ligne de compte aussi. Ouais. Fait que des fois, les filles, autant que clients, autant que filles, ça va devenir un milieu plus dangereux, peste la consommation rentre en ligne de compte. Mm-hmm. Donc, les filles, moi, je sais que depuis la loi C-36 est passée, les filles attendent beaucoup plus longtemps sur le coin de la rue. Ah ouais. Fait que quand t'as fait 3 heures que t'es là puis que tu veux ta dose, ben c'est sûr que la majorité des filles vont être prêtes à faire pas n'importe quoi, mais quasiment. Ouais. Puis ça va être aussi moins solidaire entre filles. Ça devient très dangereux. Ça va être moins solidaire parce que les filles veulent tout avoir le client là. Quand ça fait 3 heures que t'as froid, que t'es en manque. Fait que le client le sait aussi. Fait que là, ben il profite de cette situation là. Fait que moi, la loi C-36, je trouve qu'il y a plus de néfastes que de bienfaits. Mm-hmm. Vraiment. Puis justement, Christine, t'allais ajouter de quoi, je pense? Non, c'est beau. Non, c'est beau. Tout a été dit. Tu sais, on en parle beaucoup, là, tu sais, de la culture du viol puis du consentement, là, dans la dernière année, admettons. Il y a eu beaucoup de couverture médiatique là-dessus, puis... Ouais. Mais c'est difficile d'avoir accès aux clients, tu sais. Il y en a certainement qui nous écoutent en ce moment. Il y en a partout, des clients du travail du sexe. Je veux dire, c'est large, le travail du sexe. Il y a des grands volets qui sont décriminalisés aussi, comme la pornographie, comme la danse érotique, comme le téléphone érotique. Mais ça, c'est tous des clients aussi, là, qui font partie de l'industrie du sexe. Mais c'est difficile d'avoir accès à ces clients-là, de parler, qu'il y ait des clients qui viennent s'asseoir avec nous autres autour de la table aujourd'hui pour dire, ben, pour moi, là, c'est important de bien la rémunérer, ma travailleuse du sexe. Ça fait peut-être 5 ans que je fais affaire avec la même personne. J'aime son approche, j'aime sa façon de travailler. J'ai peut-être des besoins particuliers comme client aussi. On le sait, il y a des clients, là, qui, c'est loin d'être juste pour un rapport sexuel, là, qui vont chercher de l'écoute, qui vont chercher de la tendresse. Il y a des clients qui sont à mobilité réduite, qui vivent en situation de handicap, qui ont des besoins très particuliers, puis qui veulent faire affaire avec des travailleuses du sexe qui sont professionnelles, puis qui ont à cœur, qui sont paraplégiques, qui ont toutes sortes de besoins, là, vraiment. Ouais. Toutes sortes de fantasmes aussi, tu sais, qui veulent s'épanouir dans leur vie puis qui ont envie de réaliser des trucs avec des gens en qui ils ont confiance, tu sais. Mais ouais. ces clients-là, on les entend pas, tu sais. On les imagine, justement, toutes comme des vicieux cachés dans leur voiture. Mais, tu sais, il faut donner la parole aux clients, puis il faut parler de consentement aussi, parce que c'est pas, la personne se vend pas quand elle fait le travail du sexe avant certains services. Puis ça, c'est établi, puis les femmes, ils connaissent leurs limites. Après, il y a peut-être des journées où tes limites sont un petit peu plus loin, parce que tu as peut-être des besoins financiers qui sont différents d'une journée à l'autre. Mais en même temps, c'est quand tu es capable de prendre le temps de le négocier, puis que c'est clair, puis quand toutes les travailleuses du sexe vont se sentir assez confortables pour négocier puis parler de leurs limites, ben les clients, ils n'auront pas le choix de répondre à ça, puis de respecter ça, exactement. Je rajouterais même, tu sais, c'est un mythe, là, que les clients, c'est tous des Mongols, puis c'est des violeurs, puis c'est du monde qui vont faire mal, puis c'est du monde qui... Mm-hmm. Parce que tu lui donnes de l'argent, il va faire n'importe quoi, il se le permet. Pis tout. Pas vrai. C'est pas vrai que ça fait ça. Là. Moi, j'ai fait ça au moins 10 ans dans les bars. Là, pis c'est comme une cruse. Le gars, je prends le temps d'y parler. Je vois bien dans ses yeux qu'il est fin. Puis moi, ça m'est jamais arrivé de me faire violer ou que le monde parte avec moi et qu'il me fasse mal. Pis, ça n'a été que magnifique. Là, fait non, que, ouais. Moi, je pense que c'est un mythe. Là, que, c'est sûr c'est qu'il y en a de temps en temps qui arrive. Doit sûrement en avoir. C'est pas la grosse moyenne générale. Non, non. En général, c'est vraiment. Eux autres aussi, dans le fond, qu'il n'y aurait plus de travailleuses de sexe. Ouais, c'est ça. C'était spécifique. Ouais, ça, c'est sûr. Il y a une arène maudite gang en dedans. Oui, on va arrêter pour une pause, puis on va revenir, puis on va parler la vie au quotidien. Comment est-ce qu'on se fait percevoir des fois par les... parce que oui, on peut quand même avoir un employeur là aussi, on peut... je sais pas, j'aimerais ça vous connaître un petit peu plus là-dessus. On revient. On est de retour aux différents. Mélanie Florent avec vous pour la dernière demi-heure de l'émission. Et puis ce matin, on parle justement de prostitution, ce qui est un sujet hyper tabou, mais encore plus de préjugés, je pense, que de tabou. Je reçois Maude Santerre, qui est intervenante au Projet Lune, Christine, Jennifer et Dantel, qui sont parraidantes au Projet Lune aussi. Et puis, on parlait avant la pause. Je voulais savoir, je vous ai tendu une perche déjà. La vie de tous les jours, la famille, on lui dit-tu? On lui cache? Qu'est-ce qu'on fait? Ben oui, on lui dit. On lui dit? Ben oui, on le dit. Quand on n'a pas honte de ce qu'on fait, on le dit. C'est comme n'importe quel autre job. Mais toi, Christine, dans ton cas, ça a été un choix là, que tu as fait de oui, faire la un prostitution. Choix. Là. Mais j'ai attendu que ma fille avait quoi? Mon gars devait avoir 7-8 ans. Mm-hmm. Où tu vas, maman? Qu'est-ce que tu fais? Je dis, maman, fais plaisir aux hommes. Fait que. C'était clair. Oui, c'était clair. C'était. Dans les mots d'un enfant de 7-8 ans aussi. Là. Ben oui. On peut pas. Non, mais c'était pas je m'en vais travailler dans un restaurant ou tu cachais pas le tu disais dans les mots. J'ai quand même attendu un certain âge. Parce que quand même. Plus jeune, je savais pas trop comment le dire. Faut quand même être capable de le dire du mieux qu'on peut, là, sans que ça paraisse néfaste ou mauvais. En disant ça, maman fait plaisir aux hommes, puis je disais, je leur fais des massages aussi. Puis ben là, les questions ont plu. C'était. Mais quoi d'autre? Puis bon, là, j'étais obligée d'aller dans le vif du sujet, j'ai pas eu le choix. Mais respectueusement. Oui, il n'y avait pas 8 ans quand il posait ces questions-là. C'était important pour moi qu'il comprenne comme un métier respectueux. Parce que moi, je le faisais respectueusement, puis je voulais des clients respectueux. Puis ceux que je n'aimais pas ou que je sentais que c'était néfaste, je retournais pas. Ouais. Je les faisais plus. Puis ça, c'était important pour moi qu'ils comprennent comme ça. Puis mes frères, on est 9 chez nous. J'ai jamais caché ce que je faisais. Puis il n'y a jamais personne qui m'a jugé pour ça. Jamais. Ils m'ont mis de côté ou tassé ou traité de tout ce que tu voudras, non. Mais le fait que c'est assumé, j'imagine, la famille a moins tendance à tasser quand c'est pas par choix, puis qu'on tombe C'est peut-être là-dedans. Dans l'éducation aussi, parce que nous autres, on a toujours été éduqués, tu fais du mieux ce que tu peux, puis tu fais ce que tu veux aussi. Mm-hmm. C'est Puis il n'y a pas de plus ni moins, ou mieux ou moins pire. Ou, tu sais, si tu le fais, fais-le comme il faut. Puis du mieux que tu peux, c'est tout. C'est, peu importe ce que tu fais. Mm-hmm. C'est l'éducation que j'ai reçue. Fait que c'est pour ça aussi que peut-être j'ai jamais eu peur d'en jaser. Oui, vas-y. Ben, tu vois, moi. Dans mon cas... Moi, ben avec les enfants, les femmes... Ben, c'est ça. Ça n'a pas passé partout. Ça n'a pas passé. C'est juste avec les femmes, les enfants, t'es pas au courant. OK. Puis ben, c'est mes ex-femmes ne me parlent pas partout. Ils veulent surtout pas que j'aille des liens avec les enfants. C'est scandalisant. Surtout mon look. Ils accrochent plus sur mon look. Ouais, ben ton look, on va l'expliquer pour les auditeurs. Dans le fond, c'est quoi? C'est... Je ressemble un peu à un chanteur de Motley Crue. Bon, c'est clair. Je suis une personne rock'n'roll, je m'affirme, je m'habille beaucoup féminin. Ben ouais. Puis autant aussi, je voulais dire, ma famille, mon frère, ma soeur, ça n'a pas passé pantoute. Fait que ça t'a vraiment isolé là, de... Moi, mais la question, j'ai été obligé de tourner la page sur mon ancienne vie. Qu'est-ce qui les choque tant que ça? J'ai même pas été capable de le savoir. Il me parle plus pantoute. C'est ça qui est spécial. C'est que les gens décident de plus te parler, mais ils ne disent pas pourquoi. Qu'est-ce qui les choque tant que ça? Qu'ils sont pas capables de t'accepter tel que t'es. C'est comme si toi, tu disais, toi, t'es un gars, là, puis je veux que tu sois une femme, puis je t'aime pas, fait que je t'appelle plus. Tu sais, c'est ça. Quand ça n'a pas de logique, pour moi, ça marche pas. Tu sais, c'était même pas... Je me suis ramassé tout seul en crif là-dedans, là. Tu sais, les trois premières années, là, c'était rough, là, j'étais vraiment... Puis j'étais pas capable de me trouver de place pour rester non plus, là. J'étais tout le temps dans la rue, j'étais tout le temps en train de squatter chez du monde. J'ai fait ça pendant 3 ans de temps, là. J'étais vraiment tout seul, puis c'est ça, là, c'est là que j'ai connu le PPQ puis le Projet Lune, puis ça a comme sauvé ma vie, là. Parce que là, j'étais rendu d'un cercle vicieux de consommation, j'étais tout le temps tout seul, j'étais tout le temps dans les rues, il fallait tout le temps que je consomme du speed pour être capable de marcher, puis d'être mm-hmm. dans la rue, puis les seules places que j'étais capable d'aller coucher, c'était un sauna qui est ici en ville. Ouais. Il charge 20$ pour une chambre pour la nuit, tu sais, fait que je me loue une chambre, j'allais au sauna, parce que, tu sais, au mois de décembre, au mois de janvier, là, ça prend une place pour dormir, là. Ouais. Puis c'est ça, puis le Projet Lune, mais tu sais, ils m'ont aidé à m'épanouir, à me comprendre là-dedans. J'ai arrêté de consommer, j'ai été capable d'arrêter de consommer puis d'accepter tout ce qui se passait, là. Puis c'est ma nouvelle famille, là. Puis ouais. C'est avec eux autres que je parle à tous les jours, puis je me sens pas jugé, je me sens full accepté, c'est une libération, là. Ça m'a mm-hmm. tellement fait du bien, là. Puis là aujourd'hui, regarde, j'ai rencontré une nouvelle femme. Ouais. Ça fait 3 ans que je suis avec, ça va super bien. Je consomme plus, je travaille à cette heure pour le Projet Lune, je vais chez M'Pay, je suis capable de rester habillé comme je suis, être comme je suis. Fait que c'est pour ça, puis c'est ma famille. Fait que c'est pour ça que je les lâche pas non plus, puis je les aide au fond, je les supporte dans tout ce qui se passe. Mm-hmm. Puis, ouais, c'est ça. C'est encourageant d'avoir quelqu'un comme Dantel. Dans le premier temps, quand je l'ai connu, dans les débuts du Projet Lune, qui s'est infiltré. Puis de voir aujourd'hui ce qui dégage, c'est vraiment... C'est de toute beauté. Ça s'explique pas. Faut vraiment le vivre pour savoir c'est quoi. Puis, mais tout part de l'esprit de solidarité. Hein, quand tu te sens valorisé quelque part, ouais. ça prend la place que t'en as toujours cherché à avoir, autrement dit. Mm-hmm. Puis une famille, c'est pas là pour rien. T'sais. Fait que quand on perd notre famille, c'est vraiment beaucoup. Moi, j'ai pas perdu ma famille par rapport à ce que je fais. Mais j'ai quand même une mère très jeune. Ça, je pense que ça fait toute la différence aussi, là. Oui. Ma mère m'a eu à 17 ans, puis aujourd'hui, moi, j'en ai 40. Fait qu'on a quand même... C'était quasiment comme une sœur plus que... Mais comme qu'elle m'a toujours dit, elle, c'était les cachettes qu'elle n'aimait pas. Mm-hmm. Fait qu'elle aimait mieux savoir de sa grande-fille la vérité. Fait qu'elle était en mesure de défendre sa grande-fille auprès des regards des autres, là. Ouais. Parce que c'est sûr que la société, c'est toujours de la critique, puis de la critique, puis... C'est ouais. une moins que rien à minute que qu'on parle de l'industrie du sexe. Mais c'est ça, c'est une moins que rien, mais il ouais. y a toujours même une clientèle pour venir... Ben, c'est ce que je disais tantôt. Souvent, le spotlight va être sur vous autres. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une clientèle. Puis, il y a aussi un autre préjugé là-dessus. Puis, c'est pas tout le monde, mais j'aimerais ça qu'on en parle un peu plus. La consommation, vous en avez parlé un peu. C'est pas toutes les filles qui consomment, mais il doit en avoir une gang, quoi. C'est... Moi, je trouvais ça de valeur parce que même moi, la première étant plus jeune, je voyais bon, ce qui était de l'industrie du sexe, c'était tout de suite avec en lien avec la coke. Okay. Puis avec la coke ou peu importe la consommation, mais c'était en lien avec la consommation. C'était comme c'était bien vu pour la vingtaine, mais d'avoir une vie normale entre guillemets et de faire l'industrie du sexe, on n'entendait jamais parler. Mm-hmm. Puis la consommation, beaucoup de personnes vont penser comme moi je disais, c'est ça, j'ai la seringue, tu penses pas à la coke, tu penses à l'héroïne. Tu vois quelqu'un sur le coin de la rue avec une seringue en train de solliciter un client, c'est une junkie, c'est une moins que rien, c'est une plotte, puis elle pas le droit de vivre, dans le fond, elle est étiquetée par-dessus étiquetée, quand que c'est vraiment pas vraiment ça, tu sais. C'est plus loin que ça. C'est plus loin que ça, puis il y en a qui le font à jeun. Moi, je sais bien que la première, j'ai travaillé longtemps dans des agences, puis mon rendement le meilleur était à jeun. Oui, j'avais une problématique de consommation pareille, mais je consommais pas pendant, puis c'est pas la consommation qui a fait que j'ai choisi l'industrie du sexe. C'est l'industrie du sexe qui m'a amené à la consommation. OK. Mais j'ai toujours été une fille intense, puis j'aurais consommé sans l'industrie du sexe aussi. Là, je veux dire, moi, les portes étaient ouvertes quasiment à ça. C'était quasiment dessiné dans le ciel. Mais c'est vrai, c'est souvent associé, par exemple. Mais c'est ça, parce que j'en ai connu, moi, des filles que non, ça s'injecte pas, puis non, ça consomme pas. Ou ça s'injecte, mais c'est pas de l'héroïne, là, tu sais. Il y en a dans tous les milieux, il y en a partout. Que tu travailles dans l'industrie du sexe ou tu travailles au gouvernement, excuse-moi, là, mais on s'entend-tu que j'ai connu des clients qui travaillaient là puis qui consomment la journée longue. Je pense que le rapport n'est pas nécessairement là. Là. Non, j'ai tellement connu d'infirmières, moi, qui consommaient. Que, peu importe, le métier que tu fais, tu tombes dedans. Là. Aujourd'hui, le grand fléau de la consommation de méthamphétamine, de speed, là, c'est tellement répandu, connu, que c'est les étudiants autant que celle-là qui est le camionneur qui va vouloir faire des heures. L'infirmière qui va vouloir toffer ses heures. C'est ça aussi, tu sais. Fait que c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde, mais ça paraît c'est encore pas ça. Préjugés, mal t'sais, c'est une pelule que tu prends, puis ni vu ni connu. Ben c'est pour ça que je voulais en parler. Vas-y, monte. Puis c'est encore, tu sais, on a une vision, tu sais, vraiment répressive. Tu sais, si on envoie le message que, tu sais, il y a des annonces, là, zéro drogue pour moi, le gouvernement du Canada, il y a quelques années, avait fait une annonce, là, je me souviens. Peut-être, c'était quand même marquant, là, tu vois une fille, elle fume un joint, le lendemain, elle fait une pilule, puis là, elle va deux semaines plus tard, elle est toute poquée, à terre, elle a perdu 50 livres. Là. Après ça, la journée où tu fumes un joint comme adolescent, puis que, ben finalement, c'était le fun. Ben puis tu te dis ben c'est peut-être la même affaire pour ben peut-être toutes les autres drogues, tu sais, fait que tu sais de faire de la prévention qui réalise la bonne sensibilisation, de parler de consommation, justement de parler de mode de consommation sécuritaire, avoir des places là à Montréal, il y en a, on espère bientôt à Québec, où tu peux aller faire tester ton speed, parce qu'on le sait bien que dans les speed ben il y a toutes sortes d'affaires, mais où tu peux aller le faire tester pour savoir qu'est-ce que tu consommes, avoir accès à des drogues qui sont prescrites pour t'aider à gérer ta consommation. On en parle de plus en plus avec les crises là, t'sais, avec les opiés dans ce moment, puis les nombreuses personnes qui décèdent, t'sais, si le gouvernement a des programmes en place pour aider ces personnes-là à consommer des drogues qui sont propres, à savoir la quantité qu'ils consomment, à être en lien aussi avec des professionnels de la santé qui sont pas jugeantes, qui vont te donner la drogue là, pour que tu viennes les voir, qui vont te donner les seringues, qui vont parler de façon réaliste, ben déjà, là, on enlève un mur gigantesque de préjugés qui rend vraiment l'accès aux services de santé difficile. Je pense qu'il faut avoir un regard réaliste envers la consommation. Puis oui, le travail du sexe, c'est un milieu festif, associé au bar, associé à... Mais c'est quoi de se cacher tout le temps? Je comprends pas. Ça me dépasse. De toujours avoir des œillères. La prostitution, c'est de la merde, l'adopte, c'est de la merde. Mais non, mais c'est là. Ça existe depuis la nuit des temps. C'est quoi de toujours... vouloir dire que s'en cacher ou whatever, au lieu justement d'en parler, de mettre de la prévention de l'avant, de dire tout exactement comment c'est, comment ça se passe, qu'est-ce que c'est, tu sais, au lieu de je comprends pas. Mais ben, dire les vraies affaires dans le fond, c'est ça. Moi, j'ai pour mentir, peu importe ce que tu fais, pourvu que tu t'assumes dans ce que tu fais, et que tu sois bien. Puis que tu fais mal à personne, dans c'est le fond. C'est ça. Tu sais, ouais. Comme moi, je suis partie à l'aventure dans ce trip-là de l'industrie du sexe. Pas d'enfants, pas de chum. Ma famille est au courant. Ma mère m'a tout simplement demandé de pas impliquer mon petit frère et ma petite sœur à ce moment-là. Mm-hmm. Puis aujourd'hui, j'ai des nièces aussi, là, des neveux et nièces. C'est juste ça, là. Mais à part de ça, qu'est-ce que tu veux que les autres fassent de ma vie à moi? Tu sais, si je fais pas de mal à personne, tu sais. C'est à toi. Tant qu'à me voir malheureuse d'un bureau de 9 à 4, puis de toujours chialer, déprimer, c'est aussi bien de me voir heureuse avec qu'est-ce que je fais, puis... Moi, je sais bien ce que tu fais. C'est ça. Puis je sais bien que moi, avoir un horaire puis des comptes à rendre à quelqu'un, j'ai toujours été un petit bébé gâté, puis je le sais, puis je m'assume là-dedans. Que c'est difficile aujourd'hui de rendre des comptes à quelqu'un. Ouais. Fait que quand tu travailles pour toi... Commence par toi-même. C'est ça. Moi, je voudrais revenir un peu. Quand on parlait de la consommation, justement, là, pour les moi, au Projet Lune, nous autres, on fait beaucoup de présentations, de genre de conférences, dans les cégeps, dans les universités, puis on parle de tout ça. Puis il y avait du monde en faculté de médecine qui sont venus faire un stage au Point de repère. OK. Puis que là, ils se sont mis à connaître le monde, puis à voir la réalité, puis voir c'est quoi la consommation. Puis c'est du monde qui étudie en médecine. Puis moi, j'ai vu leur présentation, eux autres, quand ils ont mis le rapport à la fin, puis tout. Puis ils ont vraiment compris que s'il n'y avait pas de consommation, pas nécessairement pour la prostitution, là, mais dans n'importe quoi, dans l'itinérance, c'est une espèce d'automédication que le monde se font. Parce que si tu n'avais pas ça, il y en a une maudite gang qui se suiciderait puis qui ne serait pas capable de passer à travers. Puis que. L'asile serait pleine. Puis, tu sais, quand tu es dans la rue, quand tu es désorganisé, tu n'as pas de médecin de famille, tu n'auras pas de prescription ou des antidépresseurs. Non, mais de temps en temps, ça fait du bien de sortir de l'ordinaire. Ouais, aussi. Hein? Ouais. Ben, tu sais, une fois n'est pas coutume non plus. C'est sûr, un matin, au différent, je ne ferais pas la promotion de la drogue nécessairement. Non, mais non, moi non plus, mais... c'est pas ça que je veux faire. Mais c'est vrai. C'est le rapport. Qui en est sorti. Puis c'est vrai ce que Dantel disait, il y en a beaucoup pour qui c'est de l'automédication, effectivement. Puis justement, parce que tu n'as pas accès à des services de santé ou parce que quand tu vas voir tes professionnels puis tu dis, hey, j'ai des douleurs au dos, ça l'arrête pas. Moi, mais toi, tu es une junkie ou toi, tu consommes, fait qu'on ne te prescrira aucun opioïde, aucun. Tu n'as pas accès à de la morphine, tu n'as pas accès à. Ben, qu'est-ce qui te reste pour soulager ta douleur? Ben, tu t'en vas dans la rue puis tu vas trouver ce qu'il faut pour te soulager. Là, puis c'est correct aussi d'adapter la médication que tu donnes aux personnes selon leur réalité, sauf que on le sait. T'sais, c'est une façon de gérer aussi le stress. C'est une façon, on le sait. Je veux dire, le vendredi soir, là, ce soir, les personnes qui sont à l'écoute, il y en a peut-être une couple qui vont avoir le goût d'aller sur une petite terrasse prendre une petite bière, mais il y en a une couple qui ont le goût de prendre une petite bière avec leurs clients, des fois. Mais c'est parce que la petite bière légale, elle. Ben, exactement. Oui, c'est ça, il y a la différence. il me reste à peu près 5 minutes. Ça passe vite. je vois. Pourrais vous chanter une toune. Mais tu reviendras, il n'y a pas de trou. Il y en a qui décident de sortir. Puis il y en a, ben, comme Christine, qui c'est un choix de vie, puis c'est un choix de métier. Je suis travailleur autonome, puis tu ne te gênes pas pour le dire. Puis comment est-ce qu'on sort de ça? Puis pourquoi qu'on voudrait sortir de ça? J'ai parce un peu une idée, ça, là, ça c'est sûr. Là. On veut faire autre chose. Mais comment est-ce qu'on réussit à sortir? Parce que là-dedans, c'est vrai qu'il y a des proxénètes aussi. Il ne faut pas se le cacher. C'est pas toujours travailleur autonome, puis c'est pas toujours rose. Puis, tu sais, je fais pas la promotion ou la destruction du sujet. Personnellement, là. Tu décides de t'en sortir. C'est pas vrai que tu t'en sors en tournant la page, puis demain matin, je me lève, puis je fais d'autres choses. Ben c'est un peu comme quand tu as commencé. Tu commences pas du jour au lendemain, mais tu sors pas du jour au lendemain c'est non plus. C'est un processus à long terme, une journée à la fois. C'est un mode de vie que je pense que tout le monde devrait avoir, que peut-être qu'on est chanceux, nous, les toxicomanes et délinquants à certains degrés, d'avoir un programme AANA qui nous apprenne un mode de vie, mais c'est un mode de vie qui est nécessaire dans toutes les sphères de notre vie, mm-hmm. que je trouve qui serait accessible à monsieur, madame, tout le monde. Ne serait-ce que le moment présent, puis de vivre une journée à la fois, ça devrait être pour tout le monde. Moi, je regarde maman qui faut qu'elle fonctionne, elle performe. Elle n'a pas le temps de rendre visite à personne parce que faut qu'elle fasse son ménage, il faut qu'elle travaille, il faut qu'elle... C'est une sorte de drogue, ça aussi, là, je veux dire, à quelque part, elle prend pas le temps de s'arrêter. C'est la drogue qu'elle a choisie? C'est ça. Puis, tout, c'est... à quelque part, ben, c'est dans l'essai et erreur. Est-ce que je vais m'en sortir un jour totalement? Peut-être que je vais être capable de dire oui, je m'en suis sorti. Mais d'être sûr à 100% que ça va toffer, tu sais jamais, là. C'est un processus, c'est ça. Comme moi, je pourrais dire présentement, j'ai encore un pied dedans, puis j'ai un pied et demi de sortie, tu sais. Fait que, mais c'est toujours tentant, puis c'est le gouvernement, encore une fois, qui nous bloque des portes, bien souvent, plus que... Parce dans que, quel sens? Ben, je veux dire, t'as fait ça pendant 20 ans, tu te réveilles à 40, 60 ans, mettons, t'as pas de CV ou, tu sais, je veux dire, les seules expériences que t'as, t'as bien beau vouloir t'en sortir, là, puis aller sur le marché du travail. Ça va bien mal mettre ça d'un CV puis amener t'sais, ça. Ben voyons. Quelque part, avec c'est le ça. Coût de la vie aujourd'hui, ben, on s'entend-tu que travailler au salaire minimum. Faudrait que ça soit reconnu, là. On pourrait le mettre dans notre CV. Oui, c'est ouais, pas facile de s'en sortir. Les préjugés qui viennent avec, je pense pas que les employeurs. C'est pour ça, justement, que vous êtes pourtant, là à matin. Je connais tellement de travailleurs du sexe qui sont d'excellents psychologues, d'excellentes personnes qui ont la joie de vivre, qui ont. Tu sais, c'est pas mal moins gênant, tant qu'à moi, de mettre ça dans mon CV que de dire que j'ai travaillé chez McDonald's puis que t'es même pas capable de répondre à un client comme du monde. Préjugé, Dantel. Mais tu sais, c'est vrai ce que Dantel a dit, tu sais, on reconnaît pas beaucoup les compétences que les personnes qui font le travail du sexe développent, mais tu sais, être capable de gérer ton budget, être capable de faire ta publicité, gérer tes horaires, c'est de la relation d'aide, beaucoup c'est aussi avec les clients. Sociabilité. La capacité d'adaptation qui est super importante, la capacité à lire aussi ton client, ça, là, après ça, dans le marketing, c'est extrêmement important, puis très lucratif aussi, pas juste dans l'industrie du sexe. Dans la communication. Toi, t'es venu de loin quand t'es gars, exactement. Puis, tu sais, des places comme le projet Lune, tu nous autres, on a créé des postes d'intervenante par aidante où on acceptait vraiment, tu sais, des candidatures, des CV qui sont pas traditionnelles, mais où on reconnaît, tu sais, cette expertise-là que les femmes ont eue, puis que les personnes qui s'impliquent au projet Lune ont eue aussi, tu sais. Puis qu'on se dit, ben, nous autres, on veut mettre ça de l'avant, on veut que ce soit ces personnes-là parce qu'on veut ces forces-là, on veut cette force de caractère-là qu'ils utilisent, tu sais. Moi, ça m'intéresse pas de. Qu'il y ait d'autres mondes qui travaillent au projet Lune. C'est beau de connaître le théorique, mais il y a le côté pratique aussi. Il y a le côté terrain, il y a le côté vécu, expérience de vie aussi. Fait que ça pèse dans un CV, tu sais. Moi, ce que je trouvais beau du projet Lune, c'est c'est encore dans l'acceptation et la valorisation. Ouais. C'est de l'être. Oui. Tu sais, j'ai commencé, moi, à faire partie du comité de travail. J'ai commencé avec le projet de recherche dans les tout débuts. Puis, ne serait-ce que de juste ouvrir la porte puis d'être accepté comme que tu es dans la journée même, dans l'état que tu es, c'est beaucoup, là. Oui. Hein. C'est la petite porte qui s'est ouverte que j'ai cheminée par la suite, là. Puis un peu comme dans n'importe quel milieu, tu sais, il y a des services qui sont super variés à Québec, tu sais, qui travaillent avec des personnes qui font le travail du sexe ou qui faisaient le travail du sexe, tu sais. Comme disait Jennifer tantôt, ben il y a des gens qui prennent plus une approche qui ressemble plus au NA ou AA, qui est plus proche de l'abstinence, puis qu'il faut plus faire le. Puis il y a des gens pour qui ça fonctionne, il y a des gens qui ont besoin d'avoir un cadre qui est super précis, puis où il y a pas moyen de garder un client à côté, puis il faut que ce soit comme ça. Mais tu sais, nous autres au projet 1, on propose d'autres choses qui est plus proche de la réduction des méfaits, où on accepte le rythme de la personne, on la prend où elle est rendue aussi. C'est ça, vous vous adaptez à la personne. Vous dites pas, c'est de tout couper ou c'est de, tu sais, admettons qu'on parle de consommation, c'est de tout couper du jour au lendemain. Vous allez suivre la personne, vous lui dites pas d'arrêter ou de continuer ou, tu sais, c'est. Puis ça permet que la journée, peut-être, où il y a une rechute, où, ben, t'as pas de gêne à revenir, puis c'est pas, je disparais dans la brume pendant des mois parce que là, la honte, la gêne, ben, la personne est prête à accepter, tu sais, que je vais revenir dans n'importe quel état, ben. Les intervenants seront pas déçus, l'équipe va t'accueillir, tes collègues aussi, puis let's go. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Un peu comme on parlait tantôt avec les soins de santé, c'est gênant présentement de dire, ben gars, d'aller voir une infirmière, d'aller voir la police aussi si on a été agressé ou quoi que ce soit. C'est gênant. Fait que, mais gênez-vous pas, puis allez-y. Oui. Moi, je rajouterais que même en terminant, ouais. Les policiers, les policiers, infirmières, peu importe, il y a quelques années, quand j'ai commencé, il n'y avait pas les cours qu'il y a aujourd'hui. Là, moi, c'était quand même pas longtemps. J'ai fait une thérapie. On avait des stagiaires en technique policière. Il était temps que ça se passe, là. Ouais. Pour qu'ils aient vraiment à l'affût de la réalité. Y a-tu un côté plus humain? Parce que là, je sais, là, on va défoncer la démission. Je veux juste qu'on termine. Il y a un côté plus humain, j'imagine, qu'il y a... Moi, je trouve qu'il y a une différence. Ouais, depuis, depuis 2 ans, on voit que... En tout cas, surtout du côté policier. Okay. Il y a une amélioration, il y a une ouverture d'esprit. Ouais. Ouais. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Lâchez pas. La gang de Projet Lune, c'est tout. Okay. Merci beaucoup. Ah, on a pris l'heure au complet. Merci beaucoup, Maud Santerre. Merci d'être passé une deuxième fois à l'émission. Mais ça fait plaisir. Intervenante au Projet Lune, Christine, Jennifer, puis Dantel. Merci beaucoup. Puis continuez votre travail de père aidant. Notre slogan, c'est « On lâche pas ». Enlevez vos œillères, s'il vous plaît. Super. Merci. Ouvrez votre esprit. Bye. Salut. C'est tout pour les différents aujourd'hui. Puis on se retrouve pour la dernière la semaine prochaine.